Un peintre, de contes, récits et scènes en vers par Gustave Nadeau. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Un peintre, à Ernest Gambard. C'est un peintre vivant, un grand et fier artiste. Un jour, il avait établi, dans un site breton appelé Kergali, l'atelier du paysagiste, pliante et chevalet, boîte en noyer poli, et les pinceaux et la palette. Il peignait. Il peignait d'une ardeur si complète, il était si bien absorbé, qu'il ne remarquait pas les sinistres nuages, courant en sens inverse au souffle des orages, et déchirant le ciel plombé, ni le vent sur le sol soulevant la poussière. Tout à coup, il entend un cri dans la clairière. Une vieille femme en haillons tombait et s'agitait dans des convulsions. Bernier, j'ai dit son nom, se précipite, il jette, au hasard pinceaux et palettes, enlève la vieille en ses bras et l'emporte en courant à la ferme prochaine, distante au moins de 300 pas. La tempête alors se déchaîne, l'averse jette au vent son flux diluvien, la foudre fend le ciel de sa langue écarlate, et derrière eux éclate un coup sec, puis plus rien. Là-bas, dans la maison rustique, on entoure de soins la pauvre épileptique. On réunit tous les efforts. On sèche, on étanche, on essuie ses habits et sa coiffe alourdis par la pluie. Bientôt, réconfortée, et d'esprit et de corps, elle peut se remettre en route. On lui donne le pain et le cidre et la goutte. Et ce serait un grand hasard si sa poche, au retour, ne contenait encore quelques pièces rondes et sonores qu'elle n'avait pas au départ. La tempête est calmée. Notre peintre revient à son poste, à son art. Il regagne gaiement la place accoutumée, sans regretter le temps autrement employé. La place, la voici, mais quel coup de théâtre! Il n'y retrouve plus qu'une cendre noirâtre, des débris calcinés qu'il écrase du pied. La toile qu'il peignait tout à l'heure, le siège sur lequel il était assis, Dieu le protège, tout était foudroyé. Ô Providence, Providence, les anciens n'ont jamais connu ton existence. Ils citaient Simonide, épargné par les dieux, et ne comprenaient pas ton sens mystérieux. Fin de Un peintre.